Chapitre 5. La fin de la terre. Quittant enfin la grande route blanche, poudreuse jalonnée de poteaux télégraphiques qui relie Crozon à Camaret, en passant par Kerlor et l'Anse de Dinan, puis se perd ensuite du côté des montagnes de l'Arrée, en gravissant le Ménéhum pour aller aboutir à Châteaulin, la très sautante carriole d'Yves le Moal, après le fort dominant tout le pays, et à l'entrée même de Crozon, près de la maison d'école, tourna à droite. Elle venait de s'engager dans l'étroit chemin en pente raide qui descend vers l'Anse de Morgat, longe la grève et traverse le village de Morgat, composé seulement de quelques maisons et d'une usine à sardines. Ils n'y séjournèrent pas contrairement à l'usage des voituriers. Au sortir de Morgat, le chemin remontait, gravissant la falaise, entre de maigres champs, de pauvres maisons, des hameaux de misère, Kermel, à la hauteur de la pointe de la chaise, Montourgar, Kerdroen, Kerglintin, Saint-Ernaud et sa chapelle. Enfin, c'était l'extrême sommet de la rue de Montée, à 100 mètres d'altitude, un moulin isolé. Le conducteur s'arrêta quelques instants pour laisser souffler son cheval. Jusqu'au moulin, ils avaient fait route au-delà de Kermel, presque constamment entre des enclos de pierres très étranges, des centaines de petits enclos au centre desquels rien ne paraît pousser, si ce n'est un peu de brousse, de chétives verdures plus chétives encore entre ces murs d'un mètre d'épaisseur sur un mètre de hauteur. Et tandis que, sur leur gauche, la baie de Douarnenez restait cachée par le bosselement pelé de la lande, à droite, de lointains et rares villages découpaient de bizarres petites villes féodales où toutes les maisons semblaient se tenir, et c'était, se profilant en château fort sur le gris du ciel, l'Estevin, Brégouliou, la Palue, pendant que, derrière elle, s'enfonçait l'immensité de l'Atlantique avec les tas de pois, la pointe Saint-Mathieu, les pierres noires. Maintenant, plus d'enclos, plus de maisons. On entrait dans l'âpre désolation de la lande, dans cette sauvage et pierreuse partie de la presqu'île qui se prolonge, déserte, inquiétante, avec sa route barbare, planant à 100 mètres entre la baie de Douarnenez et l'Atlantique, vers le mystère de l'Ouest, et se termine brusquement, après le hameau de Rostudel et le sémaphore, par cette pointe fameuse dans les légendes bretonnes, par cette pointe sinistre dans le martyrologe des naufrages, le cap de la chèvre. C'était la grande misère de la terre, une sensation d'entrer dans la sauvagerie absolue des âges défunts. Pas un homme, à peine çà et là de rares femmes, des enfants courbés et dont on ne savait trop si c'était des êtres humains tant ils paraissaient faire partie de ce sol d'épouvante, sol effroyable sur lequel semble s'être abattue quelque géante et formidable pluie de pierre. La dernière et persistante vision que tante Rosalie avait emportée de Camaret, c'était, à la sortie du bourg, sur sa gauche, l'aiguille mince et ajourée du vieux clocher de l'église, se dressant au-dessus du portail, entre l'antique croix de pierre sculptée de l'ancien cimetière et les murs élevés du presbytère. Ce qui la poursuivait, c'était le souvenir de la maison de Dieu, la pensée du grand et imposant mystère catholique. La première chose que cherchèrent ses yeux en cet endroit, dans le désert troublant de la lande, à travers la grêle terrible des lourds cailloux jonchant la terre, ce fut tout là-bas, à l'extrême gauche, au-dessus de la baie de Douarnenez, entre Kerdreux à droite et dans la direction de Ménéguin, en un isolement sinistre, une encore invisible maisonnette basse, accroupie contre terre, non loin de blocs celtiques, de pierres bizarres, presque à côté à un dolmen. Tout autour une solitude où devait se lever autrefois une armée d'autres pierres, car on sentait bien que c'était là le vrai pays de la pierre, plus sinistre, plus impressionnant que Karnak, et dernier refuge de la mystérieuse religion des druides, traquée de tous côtés par la croix. Cette maisonnette, soudain, malgré son infime apparence, par une sorte de mirage accapareur, effaçait pour elle tous les objets environnants, prenait des proportions démesurées, gigantesques, s'enflait d'une monstrueuse et significative importance, et c'était vers elle seule qu'elle allait, attirée, fascinée, vers la demeure du Reboutou, vers la maison de la légende. Bien que, en quittant Camaret, elle n'eût pas hésité un instant à mettre à exécution la bonne action qu'elle accomplissait, qu'elle avait entreprise dans un élan de générosité et de pitié de son cœur ouvert à toutes les miséricordes, à tous les dévouements, peu à peu, à mesure que le calme se faisait dans son esprit, que les réflexions s'alourdissaient, se refroidissaient, plus graves, plus résonnantes en son cerveau, une certaine inquiétude vague, encore indécise, informulée, la hantait. D'abord, elle avait ressenti un premier malaise au moment même où elle passait devant l'église, en croisant son regard avec les yeux mécontents et fâchés de Pierre Kerbiriou, et elle avait marmotté tout bas, prête à des regrets. « Il ne m'approuve pas, monsieur le recteur, bien sûr. » Mais elle était encore dans toute l'ardeur de l'action charitable qu'elle faisait, dans le contentement absorbant de ramener à son père cette pauvre enfant perdue. Et, par un mouvement de révolte, elle s'était rapprochée davantage de Geneviève, l'assaillant de questions sur tous les sujets qui lui passaient par la tête, s'étourdissant de son propre bavardage, comme pour mieux étouffer cette fine pointe de remords que le regard du curé lui avait dardée en plein cœur. Après tout, elle était bien libre d'agir comme elle l'entendait. Elle ne faisait que remplir son devoir de sauvetage, de la même manière que les courageux pêcheurs de Camaret, qui arrachent au péril de la mer, en risquant leur propre vie, amis ou ennemis, chrétiens ou païens, indifféremment, sans s'inquiéter de leur nationalité ou de leur religion. Geneviève Goualaine était une naufragée, elle aussi. Elle commençait donc par la sauver, par la mettre en sûreté, sans songer à rien autre, sans rien vouloir savoir d'elle ni des siens, et ne croyait pas pour cela perdre son âme. Il y avait même, dans l'excès de dévouement qui la rapprochait à ce moment de la jeune fille, comme une protestation, une rébellion contre une injustice. Et, durant toute la première partie de la route, jusqu'à ce moment où elle venait de s'arrêter, après le dur essoufflement de la longue ascension, elle resta sous cette impression vibrante et généreuse. Elles avaient d'abord causé de choses indifférentes, de ces mille sujets de conversation aisés qui glissent si facilement sur les lèvres des femmes, de quelque condition qu'elles soient, et s'y déroulent incessamment, comme les pelotons de laine entre leurs doigts, sans que l'esprit, sans que la pensée semble y avoir pris part. Puis, Madame d'Orso avait voulu savoir comment Geneviève Goualaine avait pu se perdre sur mer et de quel moment datait son étrange aventure. Faïque, toute soupirante, avait avoué. « C'est par ma faute, bien sûr, que cela est arrivé, et on aurait grand tort d'accuser tout autre que moi. Je suis partie hier soir, toute seule, en barque, de Morgate, comme je l'ai fait tant de fois sans accident et par tous les temps encore. C'est un de mes grands plaisirs, et les pêcheurs de Morgat, qui le savent, me connaissent bien, me prêtent volontiers leur canot pour aller faire un tour, soit du côté des grottes, soit du côté de l'arche de Sainte-Marine. On m'a donc laissé faire. J'avais promis à l'Arvor, vous savez, celui que mon père a guéri, celui qui ne pouvait plus remuer bras ni jambes et qui est à présent tout en gentillesse pour nous. Eh bien, le bateau lui appartenait et je lui avais promis de revenir avant la nuit parce qu'il craignait un peu le changement de temps. Mais voilà que, sans m'en apercevoir, moi qui connais la mer, je me suis engagée dans un mauvais courant qui m'a emportée, ô dame, et je ne sais comment la brume est venue. Plus rien, tout a disparu. Voyez-vous, je me suis sentie perdue, et sans ce navire rencontré au hasard, j'allais au large, toujours au large, dans le noir de la nuit et de la mer. Oh, que j'ai eu peur! Elle frissonnait au seul souvenir, se serrant contre Madame d'Orso. Tante Rosalie joignait les mains, apitoyée. « Depuis hier, Seigneur Jésus! Alors ton père doit te croire perdue à cette heure! Et toute seule aussi, sur la mer, quelle imprudence !» La jeune fille s'était mise à pleurer, sans répondre, n'osant avouer complètement ce goût étrange, plus fort qu'elle avait de s'en aller ainsi, une passion de la mer toujours vibrante en elle, et la poussant à ses aventureuses promenades, à ses luttes avec l'océan. N'en obtenant plus rien, sa compagne la regardait, remuée de sensations diverses, commençant à se demander si elle n'avait pas entrepris là une mission dangereuse en dehors des choses habituelles. Pas une fille de Camaret, pas une femme de pêcheur n'eût agi ainsi. Que signifiait cette bizarre excursion solitaire, vers des heures où les gens de raison, les marins même, ne s'aventurent pas ainsi sans un motif sérieux sur la mer, surtout lorsque menacent ces mauvais brouillards venus du sud-ouest et qu'ils sentent fort bien à l'avance, ces brumes sournoises qui étaient déjà dans leur plein sur Camaret la veille au soir, au moment où Geneviève prétendait avoir pris le canot? Il y avait là une énigme, un problème peu commode à résoudre pour la doyenne, incapable de déduction psychologique. Un violent trouble grandissait en elle, faisant battre son cœur, tandis qu'elle examinait à la dérobée la fille de Goalen, et elle murmurait. Drôle d'habitude, cette faïque tout de même. Peut-être que le vieux Trémor et ce Lagadec n'auraient pas tout à fait tort avec leurs histoires sur les gens de par ici. C'est pas du monde comme tout le monde, faudrait croire. Derrière elle, le protecteur clocher de Camaret, avec la voix tranquillisante de ses cloches connues, avec sa croix de fer à jour, avait fui depuis longtemps. Derrière elle, l'antique calvaire. Derrière elle, invisible maintenant, la haute croix du cimetière, avec son Christ peint, que chacun salue en passant. Derrière elle aussi, la haute tourelle grise de l'église de Crozon, qui protège toute la presqu'île. Tout ce qui bénit, console et soutient avait disparu. Devant elle, plus rien, rien sous ses yeux que l'étendue morne et plate de la lande, que les lointains encore noyés de brouillard de l'infini Atlantique, que des formes indécises et monstrueuses, une fin de monde, une fin de civilisation, la muraille rocheuse de Bezec, de Brézélec, la côte fantastique du Rat, les menaces de Saint, les traîtrises du pont des Chats, des écueils meurtriers, des dangers incessants, autour d'elle les pierres, au-dessous d'elle, là où courait la route défoncée, côtoyant la falaise à pic, l'abîme. Il lui semblait, depuis que Yves le Moal avait atteint le sommet du plateau, avoir quitté tous les abris, tous les soutiens, tout ce qui peut défendre et protéger. Elle eut la sensation toute physique d'entrer dans un pays hanté, menaçant, plein de pièges pour le corps et pour l'âme, dans un domaine maudit, le territoire du Reboutou. Peut-être eût-il mieux valu faire arrêter là, à cette limite extrême, la carriole, et laisser la jeune fille continuer seule son chemin. Un instant, un flot de pensées tourbillonnant dans son esprit, elle eut cette lâche et pressante tentation. Mais, passant la main sur ses yeux, avec cette autorité, cette volonté qui lui venait dans toutes les circonstances graves de la vie, elle chassa l'humiliant et troublant mirage de la peur, se fit honte à elle-même d'y avoir une seconde cédée. Réagissant contre ces terreurs vagues, elle baissa le front en vraie bretonne, plissa ses sourcils et fit tête au danger physique. Il ne serait pas dit qu'elle n'avait pas fait son devoir jusqu'au bout. Ce qui avait encore compliqué l'aigu de cette espèce de crise, c'est que, pour elle, c'était l'inconnu. Jamais elle n'était venue en cet endroit. Jamais elle n'avait eu l'occasion de pousser jusqu'à ce cap de la chèvre qui lui paraissait le bout du monde, la fin de tout. On lui en avait parlé souvent, en bien des occasions, et elle se répétait très bas le surnom d'angoisse, la lugubre et significative appellation de terreur dont on a baptisé cette pointe, le nom inoubliable donné à cause des dangers qu'il fait incessamment courir aux navigateurs, à cause du difficile et funèbre abord de ses côtes, à cause des écueils à fleur d'eau qui l'encerclent, à cause de son escarpement titanesque, de ses falaises de 100 mètres à pic. La mort du marin. À la dérobée, elle se signa et, remuant au fond de sa poche le chapelet dont elle ne se séparait jamais, se trouva plus forte, plus courageuse. Le cheval, reposé, se remit à trottiner, de son allègre et infatigable pas de petit cheval breton, habitué à ces chemins difficiles, à ce sol caillouteux, aux ornières profondes pleines de pierres. Yves le Moal, indifférent à ce paysage de désolation et de terreur, sifflotait un vieillard où bourdonnait le mélancolique ronflement du biniou. Geneviève aspirait à pleine narine la brise où passaient les arômes de toutes les fleurs de la lande, parfums de mauve, d'églantine, de baume, de genêt. Tante Rosalie regarda autour d'elle, sentant encore, malgré son énergie, peser sur ses épaules l'enveloppement d'une atmosphère inhabituelle, d'une atmosphère lourde et angoissante, atmosphère de cauchemar. Elle se rappelait des noms qui la faisaient intérieurement frémir. Plus on avançait maintenant, la limite fatale dépassée, plus, de nouveau, les idées de ténèbres l'envahissaient. Des rumeurs sourdes montaient, s'étalaient, plaintes rauques de la mer bouillonnant dans les profondes cavernes, dans les anfractuosités insondables de la côte, frissons subtils courant sur la lande, dont l'épine rocailleuse semblait remuer, onduler sous la caresse du vent, gémissements d'oiseaux de mer, accourus de tous les points de l'horizon, voix mystérieuse du large. Le vent ne vient-il pas du nord ? Demanda-t-elle soudain à le Moal, un moment abasourdi. Une vieille superstition d'enfance la hantant impérieusement, elle croyait reconnaître dans ces bruits sauvages le jappement sinistre des chiens des équinoxes, les chasseurs guéden, esprits sortis de l'enfer et essayant de remonter au ciel qu'on entend passer dans les airs en ce mois de mars. Le voiturier riposta. Sud-sur-Oise, comme hier. Des ressouvenances de lutins, de morts conjurés, de crieurs, de noyés, faisant tapage tout le long de ses côtes, la poursuivaient. Elle cherchait à percevoir les phrases caractéristiques qui dénoncent ces invisibles. Un instant, elle balbutia. « Écoutez !» Son oreille hallucinée croyait distinguer la plainte des morts conjurés qui occupent la haute mer près de Trévenec ou de Crévin-des-Lède. « Ama, ma, flas, n'entendez-vous pas ? C'est ici ma place !» Puis, peu après, ce fut l'appel familier des crieurs, les quériennes, noyées ayant adopté une des criques de la côte, qu'elles pensaient retrouver dans un sifflement plus aigre de la rafale. « Hola, la, tena arbargu da serra !» Elle expliqua. « Je ne me trompe pas ? Oh là, là, tirez les bateaux au sec, qu'il conseille, signe de grosse mer. Doucement, une main se posa sur son épaule, tendrement une voix l'arracha à la folie de ses rêves obsédants. Tenez, tante Rosalie, c'est d'ici que j'aime à regarder quand je me promène à travers la lande et que mon âme est en deuil. La jeune fille, le bras étendu derrière elle, montrait à madame d'Orso tout l'immense et lointain panorama qu'on découvrait de cette hauteur. Elle poursuivit énumérant. Reconnaissez-vous le clocher de Crozon là-bas, plus près l'humble silhouette de la chapelle Saint-Ernaud que nous venons de dépasser? Tout au loin à droite, la haute aiguille de Bezec sur la côte de Douarnenez. Dommage qu'on ne puisse apercevoir le clocher de Plougastel, le clocher de Saint-Pierre-Quilbignon, celui de Saint-Martin-de-Brest. Et ce que je regrette entre tous, ce sont les vôtres, l'église de Camaret, la bonne dame du Roc. Avec un sourire, elle acheva. Le pays en est plein, c'est ce qui console et repose, n'est-ce pas? Moi, je passe des heures à les compter, à les deviner. Il semble que tout cela vous rapproche de Dieu, du ciel. Le fatigant et douloureux charme de magie pesant sur les yeux de la doyenne se brisa. Elle eut une sorte de réveil, un retour à la raison, à tout ce qu'elle aimait, aux gloires célestes, et murmura, heureuse, ranimée, prise de nouveau par la jeune fille. « Oh, le cher cœur mignon, la petite sainte, Jésus !» Était-ce là, encore une fois, la fille d'un sorcier, d'un homme maudit? Non pas, mais une croyante, une bonne chrétienne comme elle-même. Elle se ressaisissait à peine, oubliant les fantômes qui avaient si follement hanté son imagination, qu'une exclamation d'Yves le Moal la rejeta brutalement loin du ciel, sur la terre, en pleine réalité par ces mots. « Nous v'là amenés, c'te fois que je pense. Point besoin de pousser jusqu'au sémaphore. » Du bout du fouet, il indiqua devant lui. « C'est tonton Edelec lui-même qui s'en vient vers nous. Espère un peu, hein ?» Puis, il montra sur la gauche. « Et v'là sa maison. » Elle se retourna brusquement, saisie d'être sitôt arrivée, ayant oublié où elle se trouvait dans l'extase des bonnes paroles dont sa compagne l'avait enveloppée. Une sorte de terreur, comme au sortir d'un rêve délicieux, la saisit à se voir enfermée de tous côtés par cette nature sauvage, près de ces taches grises que faisaient les débris de pierre semés çà et là, dominée par un dolmen dressant sa table plate sur deux supports inégaux. Pierre dont l'habitant du Cap de la Chèvre était accusé de faire son habituelle compagnie, avec lesquels il avait commerce d'amitié, avec lesquels, affirmait-on, il causait.